est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Bonjour. Les historiens européens, depuis une ou deux générations, se sont attachés plus qu'auparavant à décentrer leur regard sur le passé de notre planète. Autrement dit, à se méfier davantage de la tendance naturelle de chacun à privilégier la façon dont leurs ancêtres ont considéré le monde. Autrement dit, à faire basculer nos curiosités vers le point de vue des autres, vers la manière dont ceux-ci ont vécu les temps anciens. Cette attitude intellectuelle nouvelle peut réserver des surprises et conduire à de fécondes remises en cause. Et c'est sous cette lumière que vous est proposée l'émission de ce matin. Elle va être consacrée aux croisades. Mais les croisades non pas telles qu'on nous les enseignait à l'école, en mouvement de notre Occident vers l'Orient, mais telles que vues et vécues d'en face, du côté de l'islam. Gabriel Martinez-Gros, mon invité, vient de se livrer à cet exercice dans un livre intitulé « De l'autre côté des croisades ». Il est professeur émérite à l'université de Paris-10-Nanterre et il a dirigé avec Lucette Valency l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Il a sous-titré son ouvrage « L'islam entre croisés et mongols ». Et il nous démontre que l'assaut et l'installation provisoire et parcellaire des croisés venus de l'Ouest ont été moins durement ressentis par les populations de cette région du monde que les invasions bien plus sanglantes qui leur sont arrivées simultanément de l'Est et qui ont marqué davantage leur destin et leur mémoire. C'est ce processus pluriséculaire que nous allons considérer ce matin pour nous persuader aussi peut-être que dans les faits comme dans les représentations, ce rééquilibrage de l'histoire est voué à jeter une lumière quelque peu différente sur les forces qui déchire aujourd'hui encore, sous nos yeux, si cruellement, longtemps après le temps des croisades, les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et pour commencer, le point de vue occidental avec le fameux appel à la croisade lancé en 1095 par le pape Urbain II. « Ô fils de Dieu, il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent le pays d'Orient. » En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs et les Arabes, ont envahi leur pays. Ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même. Vous, les héros du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents. Le Christ l'ordonne. Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. C'était une lecture de Jean H. qui nous conduit directement à la vision des croisades telle que nous l'avions après la lecture de Malek Isaac, de Manuel de Naguère. Absolument. Cette vision précisément que nous allons modifier. Encore faut-il que vous resituiez, si vous le voulez bien, ce fameux épisode, ce fameux appel dans la longue durée d'épisodes qui ont duré en gros 2 siècles et que je voudrais que vous nous rappeliez. L'appel que nous venons d'entendre, c'est celui du pape Urbain, qui le prononçait probablement en latin. Je vous ai épargné le latin. Voilà. Et il est de novembre 1095 à Clermont, notre Clermont-Ferrand, tout simplement. La conséquence en a été une expédition militaire qui a enlevé Jérusalem en 1099 et édifié le long de la côte syrienne et palestinienne, depuis Latakia dans le nord de la Syrie jusqu'à Ashkelon dans le sud de l'État d'Israël d'aujourd'hui, une série d'États francs, comme on dit du point de vue musulman, une série d'États occidentaux, si vous voulez, chrétiens, le royaume de Jérusalem, qui correspond en gros à l'État d'Israël d'aujourd'hui, et un peu plus, le comté de Tripoli, qui correspond en gros au Liban d'aujourd'hui, et la principauté d'Antioche. Et ces États ont subsisté jusqu'à, pour le royaume de Jérusalem en tout cas, avec Jérusalem pour capitale, jusqu'à la reprise de Jérusalem par Saladin en 1187. À peu près un siècle après. À peu près un siècle après, mais les Francs, les Occidentaux, se sont maintenus sur les côtes depuis toujours Ashkelon ou Jaffa, l'actuel Tel Aviv, jusqu'à Antioche, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, encore un siècle après, et c'est en 1291 que la chute de d'Acre ou de Saint-Jean d'Acre aux mains des maîtres de l'Égypte, qu'on appelait alors les Mamelouks, signale la fin des croisades. Alors ça, c'est l'aspect occidental, et puis il faut jeter une lumière, nous l'avons promis, sur la dimension orientale, ce qui va peut-être d'ailleurs diminuer la culpabilité qu'aujourd'hui certains peuvent éprouver comme colonisateurs d'autrefois, non sans anachronisme, nous le verrons, mais en même temps diminuer notre importance. Absolument. Alors, il y a deux aspects sous cette question, si je peux me permettre, Jean-Noël. Le premier, c'est l'étendue des croisades. Qu'est-ce qu'on peut appeler croisade ? Il y en a eu 8 en principe. Il y en a eu 8. En fait, un flux continu. Si on s'en tient à l'historiographie traditionnelle de l'Occident. Mais en fait, la question, c'est aussi, est-ce qu'on peut considérer la prise de la Sicile par les Normands ou la reconquête espagnole comme une part des croisades ? Et ça a été perçu du côté musulman très vite, en effet. On a perçu qu'il y avait un mouvement général de poussée de ce que nous appellerions, nous, l'Occident ou la chrétienté, et de ce que appelaient les Francs, sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Et donc, si on s'en tient à cette géographie-là, et à cette histoire-là, à cette chronologie-là, les croisades commencent plutôt vers 1060, et elles sont à peu près contemporaines, à peu près exactement contemporaines, de deux autres poussées qui s'exercent au détriment de l'Empire islamique ou des territoires de l'islam. La poussée turque qui vient de l'Est et qui s'empare de Bagdad en 1055, vous voyez, 5 ans avant que les chrétiens ne s'emparent de la Sicile. Et la poussée berbère, les berbères almoravides fondent la ville de Marrakech dans le sud de l'actuel Maroc et s'emparent d'Al-Andalus, donc de l'Espagne musulmane, entre 1060 et 1090. Donc à peu près exactement au moment où les croisades s'élancent vers l'Orient. C'est-à-dire qu'il y a 3 mouvements dont l'Empire islamique est le point commun. Et donc, comme vous le disiez dans votre introduction, nous avons eu l'habitude de considérer que les croisades, c'était fondamentalement le mouvement des chrétiens vers l'Orient. Mais en fait, et vu du point de vue des plus lucides, en tout cas des historiens de l'islam, Ibn Nasir et Ibn Khaldoun, dont nous reparlerons plus loin. Des historiens de l'islam qui étaient eux-mêmes musulmans. Qui étaient eux-mêmes musulmans. Le mouvement vient d'abord d'un effondrement de l'Empire islamique. Exactement comme, pour nous, le mouvement des invasions barbares des 5e, 6e siècles, des invasions germaniques, vient d'abord d'un effondrement de l'Empire romain. Eux conçoivent les choses de la même manière. Un empire qui a duré, en gros, du 7e siècle jusque vers 1050. Voilà, exactement. Et un empire, comme le dit Ibn Khaldoun de la façon la plus précise, parce qu'il voit les choses un peu plus tard que d'autres, et peut-être qu'il est aussi un peu plus génial que d'autres, disons-le franchement. Disons tout de suite que Ibn Khaldoun, c'est votre auteur favori. Favori. Vous l'aimez beaucoup. On va dire ça. Et donc, c'est la fin de l'Empire arabe islamique. C'est-à-dire que la construction des compagnons du prophète s'arrête au milieu du XIe siècle. Et elle s'arrête au milieu du XIe siècle, ou dans la deuxième moitié du XIe siècle, et elle s'arrête dans la deuxième moitié du XIe siècle, sanctionnée par la triple invasion, celle des Turcs à l'est, celle des Francs à l'ouest et celle des Berbères au sud. Alors, il faut que vous résumiez aussi cet aspect oriental qui a été essentiel, avec cette succession d'arrivées profondément sanglantes, dramatiques, qui, vues depuis l'islam, ont été peut-être plus lourdes, en tout cas c'est ce que je comprends si je vous lis, oui, plus lourdement éprouvées que ce qui pouvait venir du côté des Francs. Oui, absolument. Du côté des Francs, il faut bien le dire, même si on inclut dans les croisades la reconquête de l'Espagne ou la conquête de la Sicile, les pertes qu'ont subies les musulmans ont été sensibles, douloureuses, mais relativement limitées. En revanche, les invasions de l'Est, c'est-à-dire les invasions turques et les invasions de leurs cousins païens, les Mongols, ce qui distingue essentiellement les Turcs des Mongols, c'est que les Turcs sont musulmans ou se convertissent rapidement à l'islam, et que les Mongols ne le sont pas, et qu'ils ne se convertiront que peu à peu et assez tard à l'islam, pour certains d'entre eux seulement. Donc ces invasions turques et mongoles touchent au contraire le centre du monde islamique, c'est-à-dire fondamentalement l'Iran et l'Irak. C'est là que, dans les siècles de l'apogée du premier islam, entre le 7e et le 11e siècle, les Abbassides, l'époque abbasside, c'est là que se situe le centre du monde musulman. Et ce centre du monde musulman, Irak-Iran, sera totalement dévasté, au point de perdre à peu près à jamais son importance dans l'histoire de l'islam, à partir du XIIIe siècle, après les invasions mongoles en particulier, la plus importante, la plus violente des vagues de ces invasions orientales. Les centres du monde musulman sont situés à l'est ou à l'ouest de ce vieux centre irako-iranien qui est totalement dévasté, largement désertifié, largement, pour reprendre l'expression d'un grand géographe de cette région, Xavier de Planolle, largement bédouinisé. Il reprend une expression qui est naturellement vient d'Ibn Khaldoun, ça va de soi. Et la vie sédentaire recule profondément sur tout le territoire de l'Iran et de l'Irak au profit d'une vie pastorale beaucoup plus rudimentaire, en fait. Et les centres, les grands centres de l'islam vont désormais se situer soit à l'ouest de ce vieux centre, c'est-à-dire en Égypte et plus tard dans l'Empire ottoman, donc dans la Turquie actuelle, soit à l'est, c'est-à-dire en Inde. Alors vu depuis l'islam, l'empire en décadence, Bagdad est infiniment plus important que par exemple Jérusalem, qui, bien sûr, qui symboliquement a une très grande aura pour les croisés, mais qui au fond n'est pas vue comme tellement importante par les responsables. Et d'ailleurs, à l'origine, si je vous ai bien lu, Gabriel Martinez Gros, le calife de Bagdad et les siens considèrent que ceux qui arrivent, les croisés, sont au fond probablement des mercenaires d'Alexis Comnène, le basileus de Constantinople. Absolument. C'est d'ailleurs une leçon d'histoire. C'est-à-dire que nous ne sommes capables le plus souvent, surtout quand nous appartenons à des civilisations fortement charpentées, et nous appartenons, en ce début du XXIe siècle, à une civilisation très fortement charpentée, très dominante, et qui a l'habitude d'être très profondément dominante, nous ne voyons que ce qui entre dans les conflits, dans les pratiques, dans les explications du monde dont nous avons l'habitude. Et les musulmans du XIe siècle ne sont pas très différents. C'est-à-dire que le grand conflit de la fin du XIe siècle, au moment où les croisés arrivent au Proche-Orient, c'est le conflit entre chiites et sunnites, et ou bien l'invasion de l'Empire byzantin par les Turcs après leur victoire de Manzikert en 1071. Et donc c'est dans ces événements-là qu'on essaye de situer les croisades du point de vue musulman. Alors il y a deux explications fondamentales qui ne s'excluent pas d'ailleurs l'une l'autre. La première, c'est qu'en effet ces Francs sont venus à la rescousse de leurs frères chrétiens, les Byzantins, qui sont bousculés par ces nouveaux barbares que sont les Turcs, qui bousculent aussi le monde islamique. Et la deuxième explication, c'est qu'ils sont venus au secours des chiites, qui sont bousculés par ces mêmes Turcs sunnites. Et donc qu'ils sont les mercenaires, soit des Byzantins, soit les demi-mercenaires ou des chiites établis en Égypte de la dynastie des Fatimides. De quand date le mot croisade? En fait, à l'époque, on parle beaucoup plus des Francs, côté de l'islam. Du côté de l'islam, on parlera toujours des Francs. Hein, même du côté occidental, du mot occidental. Du côté occidental, le mot croisade est tardif. Hein, il est plutôt du XIVe, XIVe siècle que de l'époque, de la grande époque. Hein, le mot pour désigner le mouvement dont vous parliez, c'est-à-dire le mouvement des Occidentaux vers l'Orient, c'est iter, tout simplement, c'est-à-dire le chemin. Le pèlerinage, le passage, avant tout, c'est une marche. Et c'est un pèlerinage. Hein, c'est un pèlerinage vers le paradis perdu, parce que Jérusalem, c'est le paradis perdu, tout simplement. C'est le centre dont on a été chassé et où on reviendra au dernier jour. Eh bien, je vais vous faire entendre la chronique de l'historien arabe Ibn al-Athir, qui a vécu à cheval entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et qui raconte la prise de Jérusalem par les croisés. C'est une lecture de Daniel Königsberg dans La Fabrique de l'Histoire de notre cher Emmanuel Laurentin sur France Culture le 18 mars 2010. Les Francs marchèrent donc sur Jérusalem après leurs 20 assauts contre Acre et y mirent le siège pendant plus de 40 jours. Ils élevèrent deux tours, dont l'une du côté de Sion que les musulmans brûlèrent en tuant tous ceux qui étaient dedans. Mais à peine avait-il fini de la brûler qu'un messager arriva réclamant de l'aide car la ville avait été prise par l'autre côté. De fait, elle tomba par le côté nord, le matin du vendredi 22 Charban 492, le 15 juillet 1099. La population fut passée au fil de l'épée et les Francs massacrèrent les musulmans de la ville pendant une semaine. Une petite troupe s'était retranchée dans l'oratoire de David. Elle y résista pendant plusieurs jours. Les Francs leur accordèrent la vie sauve et, ayant respecté leurs paroles, les laissèrent partir de nuit pour Ashkelon, où ils s'établirent. Dans la mosquée Al-Aqsa, au contraire, les Francs massacrèrent plus de 70 000 personnes, parmi lesquelles une grande foule d'imams et de docteurs musulmans, de dévots et d'ascètes qui avaient quitté le pays pour venir vivre en une pieuse retraite dans ces lieux saints. Sur le rocher, ils dérobèrent plus de 40 candélabres d'argent, chacun d'un poids de 3 600 drachmes. Un grand lampadaire d'argent, du poids de 40 livres syriennes et d'autres candélabres plus petits, 150 en argent et plus de 20 en or, ainsi qu'un énorme butin. Nous sommes là, je le rappelle, en 1099, prise de Jérusalem par les Francs. Que tirez-vous de ce texte? Que nous apprend-il sur les sensibilités du moment? C'est le texte d'un clerc musulman, d'un intellectuel, si vous préférez, de l'islam. Qui a vécu un siècle plus tard. Qui a vécu entre 1160 et 1233, si je me souviens bien. J'ai passé quelques temps avec Ibn al-Athir pour préparer ce livre, et c'est un merveilleux historien. Mais ce qu'on trouve là, c'est de façon très très caractéristique, et à la différence de ce qu'on aurait pu trouver dans des chroniques franques de la prise de Jérusalem, qui mettent davantage l'accent sur le combat et sur le massacre, la purification par le sang de la ville de Jérusalem, ce qu'on trouve là, c'est fondamentalement un intérêt qui est limité aux hommes de religion. Hein, ceux qui se sont réfugiés dans la mosquée Al-Aqsa, ce sont fondamentalement des hommes de religion. Les autres ne comptent pas, bien entendu. Ils sont 70 000, ce qui est une aberration, je n'ai pas besoin de vous dire. La mosquée Al-Aqsa est bien incapable de contenir 70 000 personnes. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est le pillage. C'est ce qu'on a perdu. Voilà, c'est là que ce que vous disiez si justement se vérifie, c'est-à-dire que notre culpabilité en est beaucoup réduite et notre importance aussi. La chute de Jérusalem, c'est la chute d'une ville assez ordinaire, ce que dit Ibn al-Athir à propos de la chute de Jérusalem. Il le répète 20 fois à propos de la chute de telle ou telle ville iranienne, en particulier tombée entre les mains des Turcs, et où, de la même manière, les pertes se chiffrent d'abord en argent et en pertes de vies humaines des hommes de religion. Il y a une autre donnée, Gabriel Martinez-Gros, qui est parfois négligée ou qui l'a été pendant longtemps par les historiens occidentaux, c'est la violence des conflits intérieurs à l'islam, en particulier entre, cela nous est encore familier, entre les chiites et les sunnites. Je pense en particulier, par exemple, Saladin, le grand Saladin que vous allez nous resituer, qui a repris Jérusalem. Grand Saladin était était sunnite, détestait les chiites. Il était lui-même kurde, en fait, kurde sunnite, et il a beaucoup mieux traité les occidentaux que les dits chiites. Bien sûr, le véritable ennemi, c'est toujours l'ennemi intérieur. Hein. Ça va de soi, la vraie guerre est toujours les guerres civiles. Et donc on caricature chez nous lorsqu'on voit l'ensemble de l'islam au moment des croisades s'opposant aux occidentaux. Absolument, absolument. C'est ce que, bien sûr, les croisés dans un premier temps voient aussi, c'est-à-dire ils voient un bloc, ils imaginent l'islam comme un bloc, mais assez vite, dès le XIIe siècle, dans le royaume de Jérusalem, on mesure la différence qui est d'autant plus spectaculaire que le royaume de Jérusalem est précisément à la frontière des deux mondes politiques, hein, j'entends. C'est-à-dire, en gros, l'Est, la Syrie, l'Irak et au-delà, est entre les mains d'un pouvoir sunnite, c'est le pouvoir des Turcs Seljoukides déjà, et l'Ouest, c'est-à-dire l'Égypte, et un peu au-delà, est entre les mains d'un pouvoir chiite, c'est-à-dire le pouvoir de l'Égypte fatimide. Et les croisés mesureront assez vite qu'ils peuvent jouer sur l'opposition des uns et des autres, qui est le plus souvent bien plus radicale que l'opposition qu'ils font aux croisés. C'est pour ça que lorsque les croisés arrivent, l'une des hypothèses qui est mise en avant par les penseurs arabes ou les clercs arabes, les hommes de religion arabe, c'est qu'en fait, ces croisés servent le projet des chiites d'Égypte qui utilisent les croisés pour s'opposer à la poussée générale des Turcs sunnites. Et au XIIe siècle, lorsque le maître de Saladin, Nur ad-Din, puisqu'au départ Saladin n'est qu'un général, hein, lorsque le maître de Saladin met en place l'appareil de propagande anti-croisée en Syrie, cet appareil de propagande, il est au moins autant un appareil de propagande anti-chiite qu'un appareil de propagande anti-croisée. C'est-à-dire que, de façon habile et efficace, ce Nur ad-Din et son successeur Saladin disent « c'est un même ennemi, en fait, hein, les chiites sont des traîtres ». Ils réussissent à emprisonner, ce qui n'est pas sans évoquer des événements d'aujourd'hui, hein, bien sûr, hein, ils réussissent à emprisonner le chiisme dans le cercle de la trahison. Ces gens-là sont du côté des croisés. D'ailleurs, la fameuse secte des assassins est éminemment chiite, qui est l'adversaire direct de Saladin. Et qui est l'adversaire direct de Saladin, et donc qui est identifié comme l'allié des infidèles, hein, comme un peu comme aujourd'hui, hein, l'État islamique, Daesh, dit des chiites que ce sont en fait des alliés fondamentaux, même si tactiquement ils paraissent s'en éloigner des occidentaux. Daesh qui, d'ailleurs, dans son emprise géographique au maximum, correspondait à peu près à ce qu'était le califat Irak-Syrie. Oui, le royaume de Saladin, sauf l'Égypte, hein, bien sûr, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est sur ces mêmes terres, en effet, hein, où commence l'entreprise de contre-croisade, comme on l'a dit souvent, c'est-à-dire de mobilisation des forces islamiques contre les croisés, c'est sur ces mêmes terres que, en effet, Daesh a prospéré, c'est-à-dire en gros le désert syrien, le désert irakien et le nord de la Syrie et de l'Irak. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Saladin, lorsque, après sa victoire sur les croisés, Hattin, on dit Hattin. Hattin, oui. Hattin, oui, en 187, oui. Il reprend Jérusalem. Oui. Fameux guide Lusignan, on a fait des films. Oui. Il traite beaucoup mieux les croisés qu'il n'a traité les chiites, en fait. Oui. D'abord, il est pressé. Il est pressé parce que il a besoin de cette victoire. Donc, il a besoin d'une capitulation rapide de Jérusalem. Qu'il ne lui serait pas assuré s'il n'accordait pas des conditions assez généreuses. Et puis, il est persuadé que les Francs sont finis. Il ne voit pas que la chute de Jérusalem, la prise de Jérusalem par ses troupes, va déclencher en Occident une véritable commotion idéologique et provoquer une réaction tout à fait spectaculaire. Parce que Jérusalem a une valeur symbolique bien plus grande en Occident que ce n'est le cas dans le monde islamique. Absolument. On y revient, c'est-à-dire qu'il est persuadé, dans la mesure où la plupart des places fortes des Francs sont tombées entre ses mains, que l'épisode franc de l'histoire de la Syrie est terminé et qu'il n'a désormais plus à s'occuper que, en effet, de la répression des chiites. Au moment même où la troisième croisade, donc cette réaction occidentale qui suit la chute de Jérusalem, s'exerce dans tout l'Orient, il fait exécuter à Alep une des plus grandes figures du mysticisme chiite, le cheikh Sohrawardi, qui est d'origine iranienne, bien entendu, comme son nom l'indique. Et cette espèce de vindicte anti-chiite ne quittera jamais Saladin jusqu'à sa mort. Mais sur le caractère secondaire, en somme, de Jérusalem aux yeux des dirigeants de l'époque, l'historien arabe Ibn al-Athir est explicite, et il écrit d'ailleurs « Qu'est-ce que Jérusalem en comparaison de ce que détruisirent ces maudits ?» Les Mongols. Chaque ville que les Mongols anéantirent dépassait en taille Jérusalem. Que sont les Juifs en comparaison de tous ceux que les Mongols ont tués, car la population d'une seule de ces villes qu'ils ont détruites était supérieure à celle des Juifs. Peut-être la création ne connaîtra-t-elle pas l'équivalent de cet événement jusqu'à ce que l'univers en vienne à son terme et que ce bas monde se dissipe ? Caractère épouvantable, effrayant, des oui. conséquences d'arrivée des Mongols. Il faut en parler maintenant. On comprend que c'est dominé oui. à la fois l'état d'esprit de l'époque oui. et la mémoire ultérieure. Oui. Alors autant la prise de Jérusalem est banale, autant les invasions mongoles ne le sont pas. Elles sont monstrueuses. Elles sont d'autant plus monstrueuses qu'elles viennent de cet extrême Orient, de cet extrême nord-est du monde, où, selon la tradition islamique, sont concentrés et cantonnés les peuples de Gog et Magog, c'est-à-dire ceux qui briseront la barrière au dernier jour du monde, au moment de l'Apocalypse, et qui déferleront sur le monde. Il était à peu près impossible pour un penseur islamique ou pour un témoin islamique des invasions mongoles de ne pas penser à cela, c'est-à-dire de ne pas penser que ces invasions, par leur extravagante violence, étaient une des formes de l'apocalypse à venir, imminente ou déjà en cours. Il faut dire qu'en effet, et pour des raisons qui nous échapperont sans doute toujours, puisque les Mongols ne nous ont pas laissé de traces écrites dans la première génération de leur existence et de leur délibération, les invasions mongoles sont en effet d'une sauvagerie très rare. En général, comme le veulent les plus lucides, et en particulier mon cher Ibn Khaldoun, les conquérants se servent, bien sûr, de ceux qu'ils ont conquis pour qu'ils travaillent pour eux et pour qu'ils leur fournissent les ressources, les richesses dont l'invasion est, qui sont la récompense de l'invasion. Or, les Mongols détruisent systématiquement le matériel humain qui aurait dû leur servir, en particulier lors de leur première conquête dans le nord de la Chine. C'est la Chine d'abord qui sera lourdement éprouvée par ces invasions mongoles. Ils y installent leur dynastie ? Ils y installent leur dynastie plus tard. Alors plus tard, dès avant la fin de la vie de Gengis Khan, qui meurt en 1227, les Mongols comprennent qu'il y a mieux à faire avec ceux qu'ils sont en train de conquérir que de les détruire. Il faut les faire travailler, tout simplement. Mais il a fallu longtemps. Il a fallu plusieurs années. Et dans le cas de l'islam, plusieurs dizaines d'années, alors là se rajoute quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'empire mongol est devenu de fait un empire chinois, à partir du moment où les Mongols installent à Pékin, repeuplé, reconstitué, rebâti, le centre de leur empire, ce qui les gêne dans l'islam, c'est le fait que l'islam est un empire, lui aussi, un empire concurrent, un empire rival, une sorte d'insulte à l'unicité et à l'exceptionnalité de l'empire mongol. Et la deuxième vague d'invasion... Par rapport à quoi, l'empire carolingien, ou ce qui reste des carolingiens, c'est tout à fait dérisoire. Et inconnu, d'ailleurs, des Mongols. Ce qui nous sauve, en grande partie, là encore, c'est notre insignifiance. C'est-à-dire que, pour les Mongols, l'Occident ne signifie rien. Et malheureusement pour lui, l'islam signifie quelque chose, c'est-à-dire signifie une forme de rivalité que l'empire mongolo-chinois établi à Pékin à partir des années 1250-1260 ne peut pas supporter. Et c'est de là que vient la destruction de Bagdad. La destruction de Bagdad n'est pas une destruction barbare, c'est la destruction planifiée par un empire mongol devenu chinois, d'un rival insupportable. C'est Bagdad est détruite parce qu'elle est le siège du califat, donc le siège de l'Empire islamique. On est en 1258. On est en 1258. Et cette prise de Bagdad est effrayante. C'est effrayante. La tabula rasa. Tabula rasa. Comme on aurait dit du côté des Occidentaux. Voilà. Et une tabula rasa qui se reproduira, parce que malheureusement, ça devient une forme d'exemple, et jusqu'à la fin du XIVe siècle, sous Tamerlan, dont il sera question bientôt, il y a ce modèle, ce schéma, ce paradigme de la destruction totale d'une ville rebelle. Bagdad a été l'une des premières, en tout cas l'une des plus spectaculaires, puisque selon l'historien Makrizi, qui lui est égyptien et qui exagère bien entendu, mais cette exagération même entre dans l'histoire, hein, le massacre a duré 40 jours et le nombre de victimes se serait compté aurait monté à 1,5 million. Bien entendu, c'est beaucoup trop, mais il semble bien que le massacre ait duré entre 15 et 20 jours, jour et nuit, bien entendu, et que le nombre des victimes ait été de l'ordre de la totalité de la population sunnite de Bagdad, puisque les chrétiens ont été épargnés. Il y avait des chrétiens parmi les généraux mongols, et le nombre des victimes a dû être de l'ordre d'une centaine de milliers. Ce qui est gigantesque, hein. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde qui est entre 20 et 30 fois moins peuplé que le nôtre, hein. Il faudrait donc multiplier par 20 à 30 le nombre de ces victimes, 2 millions, 3 millions, pour obtenir l'équivalent dans le monde d'aujourd'hui. Même si on sait que l'histoire des hommes est un long fleuve de sang, voilà. Là on est vraiment à un moment, une espèce de maximum absolu de la barbarie. Absolument. Eh bien, pour prendre la pleine mesure de cette barbarie-là, je vous propose d'écouter une causerie qui remonte à décembre 1961, une causerie sur Tamerlan, qui était vraiment le plus cruel des dévastateurs, une causerie de Pierre Minet, qui est un bon connaisseur de l'œuvre de René Grousset, fameux savant qui est pour vous, pour votre génération, Gabriel Martinez-Gros, une sorte de référence. En effet, L'Empire des Steppes, qui est publié tout de même dans les années 1930, a été un livre de référence pour les études orientalistes pendant des décennies, s'il ne l'est pas encore. Mais ces campagnes, voyons-les maintenant autrement. Écartons le conquérant pour ne plus voir que le bourreau. La vie de personne de Celtsévar s'est en révoltée. Tamerlan ordonne que l'on entasse les uns sur les autres 2000 prisonniers vivants, puis qu'on les cimente avec de la boue et de la brique, et que l'on donne à cette construction la forme d'une tour. À Zarenj, capitale du Seistan, toute la population, hommes et femmes, vieillards et enfants, est massacrée. Autre manière de procéder à Ispahan, qui se rend à l'envahisseur, mais dont quelques-uns des habitants tuent des officiers timourides chargés de lever l'impôt. Ordre est aussitôt transmis à chaque division de soldats d'avoir à fournir son contingent de têtes coupées. Plus de 70 000 au total, qui sont réunis en un certain nombre de pyramides dressées dans la ville. Ainsi que le fait remarquer René Grousset, ces abominations dépassent en horreur tout ce que Gengis Khan avait pu commettre au siècle précédent. À Bagdad, en 1401, immense hécatombe. 90 000 victimes, à l'exception, c'est vrai, des gens de lettres, auxquels le vainqueur offre des présents. De cette ville admirable, rien ne demeure debout que les mosquées. Vient enfin l'expédition dans l'Inde, qui fournit à Tamerlan l'occasion de se surpasser, et dont le véritable but est bel et bien de soumettre au pillage cette contrée fertile. Cependant, s'il faut en croire Sheref ed-Din Ali, chroniqueur de son règne, Tamerlan n'a entrepris ses nouvelles conquêtes que mu par un idéalisme proprement religieux. Ce Pierre Minet vous paraît fidèle à votre vision de cette période des croisades, à quoi nous consacrons aujourd'hui, vu du point de vue de l'islam, notre émission ? Je crois qu'effectivement, malheureusement, Tamerlan a été l'un des plus grands massacreurs de l'histoire, même si les chiffres, là encore, qu'on a pu donner, sont discutables, parce que on ne sait plus rien, effectivement, de la démographie, essentiellement de l'Iran, de l'Irak et de l'Asie centrale, dans lesquelles il a accompli ses conquêtes et ses méfaits. L'Inde aussi, bien sûr, l'Inde du Nord, puisqu'il a pris Delhi en 1398. Ce qu'il faut dire très étrangement, c'est que ce barbare absolu, en apparence, hein, a été aussi le créateur d'une merveille architecturale et d'un art dont la postérité a couvert l'ensemble du monde musulman, l'art timouride, comme on dit, c'est-à-dire Timur, c'était son nom, Timur, Ling, Timur le boiteux. Et il a fait de Samarcande, donc en Asie centrale, une ville merveilleuse. D'ailleurs, il épargne les gens de religion et les artistes. Et les artistes et les artisans qu'il ramène vers Samarcande, en effet, pour y travailler à la construction de sa ville. Et ses descendants seront des lettrés, selon un système extrêmement khaldounien, des lettrés dont le raffinement mettra assez rapidement à mal les conquêtes de leurs terribles prédécesseurs, de leurs terribles ancêtres. Et les Timourides, le pouvoir timouride s'éteint au début du XVIe siècle, à peu près un siècle après la mort de Tamerlan. Il meurt en 1405, il est exactement contemporain d'Ibn Khaldoun qu'il a rencontré. Mais l'art timouride va influencer à la fois l'art des Moghols de l'Inde, l'art ottoman et l'art des Séfévides d'Iran, c'est-à-dire à peu près tout ce que on retient le plus souvent de l'art islamique aujourd'hui. Pour revenir à formidable destruction, oui, cette table rase, l'opposition est claire avec l'attitude des croisés. Et évidemment, l'islam ne peut qu'y être sensible. Colonisation, colonie, d'ailleurs on en discute. La formulation, sans être anachronique, absolument, peut être débattue. Je ne sais pas celle laquelle vous choisissez. En tout cas, c'est un comportement différent. On peut parler de colonisation au sens grec du terme, si vous voulez. C'est-à-dire d'occupation du sol et de mise en valeur du pays. Un homme comme que je cite dans le livre, comme Al-Ashraf, qui est un des neveux de Saladin, qui est présent en Syrie, qui gouverne une partie de la Syrie du Nord, au début du XIIIe siècle, fait très nettement la différence, l'opposition, le contraste entre les Mongols qu'il voit arriver de loin et les Francs. Et très curieusement, il craint davantage les Francs parce que, dit-il, les Francs, quand ils s'installent, ne lâchent jamais un territoire. Et pour cause, puisqu'ils le repeuplent de populations franques, c'est déjà le cas au moment où il parle en Sicile, ça commence à être le cas en Espagne, et c'est aussi le cas dans une partie de la frange côtière de la Syrie et de la Palestine. Alors il se trompe complètement, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire, les invasions mongoles seront terriblement plus meurtrières que ne le sont les invasions franques, mais c'est très caractéristique du fait qu'un pouvoir islamique, c'est-à-dire un pouvoir sédentaire, pour parler comme Ibn Khaldoun, un pouvoir d'État tout simplement, hein, ne voit que son équivalent, c'est-à-dire un pouvoir d'État ou un pouvoir sédentaire qui peuple, qui développe la richesse, la production, les savoir-faire, et ne voit pas que les barbares pour lesquels il a tant de mépris, c'est-à-dire les Mongols, pour en l'occurrence, sont à la tête d'une entreprise de construction impériale qui est bien plus importante probablement que celle qu'on affronte du côté des Francs. Là, on est au cœur de la fameuse théorie de Ibn Khaldoun, dont vous faites généralement votre miel, Gabriel Martinez-Gros, sur l'opposition entre ceux qu'il appelle les Bédouins, c'est-à-dire ceux qui sont liés essentiellement par des liens familiaux de groupes, voilà, et puis les sédentaires qui organisent un État et qui généralement au bout d'un moment sont bousculés par les Bédouins. Est-ce que ça s'applique à cette période? Ah oui, admirablement, bien sûr. Hein. C'est pour cette raison que l'explication d'Ibn Khaldoun reste la plus simple et par conséquent la plus convaincante, hein, la plus élégante, si j'ose dire, du phénomène des croisades. C'est-à-dire qu'il explique les croisades et aussi les invasions mongoles par l'effondrement de leurs victimes, c'est-à-dire par l'effondrement de l'Empire islamique. Et cet effondrement de l'Empire islamique tient à, dit Ibn Khaldoun, au développement, à la perfection de sa civilisation même, et à sa division politique, bien entendu, mais d'abord et avant tout à son désarmement, puisque pour Ibn Khaldoun, une formation étatique, c'est d'abord, ou un empire si vous voulez, c'est d'abord une réalité pacifiante, une réalité désarmante. Hein. L'empire repose essentiellement sur l'impôt qu'il concentre dans sa capitale, et cette concentration de la richesse, des ressources, des compétences permet l'invention de nouveaux métiers, permet l'invention de nouveaux savoir-faire, permet des gains de productivité dont tous finalement bénéficient, y compris ceux qui payent l'impôt. Mais crée des frustrations auprès des imposés. Mais crée des frustrations en particulier alentour, voilà, des Bédouins. Alors, auprès des imposés d'abord, parce qu'il faut les désarmer, sans quoi ils ne payeraient pas l'impôt. Et cela crée donc une espèce de déficit immunitaire dans le monde sédentaire, dans le monde civilisé. Le monde civilisé est systématiquement un monde désarmé puisqu'il doit payer l'impôt. Et donc, on est obligé pour... D'abord, l'État est obligé pour les quelques ressources de violence dont il a besoin pour assurer sa police, son armée, de faire appel à des ressources extérieures à ses frontières. C'est cela, les Bédouins. Ce sont des gens qui ne vivent pas sous le contrôle de l'État et dont, pourtant, l'État sollicite la violence pour se garantir, pour s'assurer les quelques ressources de violence dont il a besoin. Mais ça n'a pas suffi, en l'occurrence. Et voilà, de temps en temps, les Bédouins ne se contentent pas d'être achetés, de vendre leur violence. Ils l'exercent directement parce qu'ils mesurent que tout est à prendre, en quelque sorte, dans le monde civilisé, dans le monde étatique, que l'État est incapable, serait incapable de résister à leur poussée si jamais ils l'attaquaient. Et donc ils l'attaquent, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une invasion barbare. Et les Turcs et les Mongols figurent ces Bédouins révoltés. Figurent ces Bédouins révoltés mieux que les Francs. Voilà. Mais il est vrai que si on étend le raisonnement, les Francs sont aussi de ces Bédouins entre guillemets, c'est-à-dire vis-à-vis vu du monde musulman. Ils n'auraient pas aimé être désignés comme tels. Et simplement, ils ne le sont pas Bédouins parce que ils sont eux-mêmes extrêmement sédentarisés, extrêmement civilisés. Ils reconquièrent et ils repeuplent les territoires qu'ils occupent, et surtout ils sont inassimilables. Ils ne se convertissent pas, ils n'ont aucune fascination pour la civilisation de l'islam, parce qu'ils ont... leur fascination se porte ailleurs, naturellement, vers Rome, vers le christianisme. Et donc, même si ça paraît étrange de le dire, c'est un fait sur lequel il faudrait s'interroger. Bien entendu, aucun des croisés, mais non plus aucun des rois de Castille ou des chevaliers castillans qui participent à la Reconquista à la même époque, ni aucun des rois normands de Sicile ne s'est jamais converti à l'islam, bien entendu. Or, le jeu du bédouin et du sédentaire, le jeu normal de l'invasion, c'est que le bédouin envahit le territoire sédentaire de l'État, mais qu'il se convertit aux pratiques, à la religion, à la langue de l'État, et qui lui rend ainsi l'hommage du vice à la vertu, du barbare à la civilisation. C'est arrivé tout de même dans bien des cas que des Mongols ou des Turcs se soient effectivement convertis à l'islam. Absolument, ça arrive systématiquement du côté des Berbères, qui sont les barbares les mieux disposés à l'égard de l'héritage islamique en Afrique du Nord. Cela arrive assez souvent du côté des Turcs et des Mongols, tardivement. Dans un premier temps, les Turcs et les Mongols portent leur fascination, eux aussi, ailleurs, c'est-à-dire vers l'Empire chinois. Et c'est ce qui les rend extrêmement dangereux, plus encore que leur violence. C'est le fait que ça n'est pas l'islam qui les fascine, et que c'est la Chine. Et par conséquent, l'islam est pour eux, au départ, une réalité à détruire, tout simplement. Pas de terre sainte à reconquérir. Pas de terre sainte à reconquérir, pourtant, oui. Et ça ne se produit jamais dans le cas des Francs. Jamais les Francs ne sont tentés de se convertir à l'islam, ne sont fascinés par l'islam, ne sont tentés d'abandonner le sens qu'ils portent en eux au profit du sens que leur offre l'islam, c'est-à-dire la langue arabe, la religion musulmane, etc. Il faut faire entendre, un bref instant au moins, la voix de votre cher Ibn Khaldoun, Gabriel Martinez Gros. Voilà. Il parle des citadins et des sédentaires, précisément. C'est une archive empruntée à Une vie, une œuvre de Simone Dweck sur France Culture, le 4 décembre 2005. Ils construisent de grandes maisons et fondent des villes et des cités pour s'y retrancher. Une augmentation du bien-être et la prospérité entraîne des habitudes de luxe. On met un soin extrême à la préparation de la nourriture et des plats raffinés, au choix des plus riches habits de soie et de brocart, à l'édification des maisons et des tours les plus hautes, meublées de la façon la plus somptueuse, et au perfectionnement des arts. Tels sont les citadins, c'est-à-dire ceux qui ont des demeures fixes et qui habitent dans les cités et les villes. Les uns vivent des arts, les autres du commerce. Ils ont des revenus plus importants et davantage de confort que les habitants de la campagne, parce qu'ils jouissent de conditions qui vont au-delà du strict nécessaire et de moyens d'existence qui correspondent à leur richesse. Il est donc clair que les sociétés rurales et urbaines sont naturelles et nécessaires, comme on l'a vu. C'est un extrait de la chronique universelle de, voilà, d'Ibn Khaldoun. C'est un extrait de son introduction théorique, hein, sur les bédouins et les sédentaires. Ce qui est intéressant pour l'histoire des croisades, peut-être dans ce texte très théorique, hein, qui prétend couvrir l'ensemble des situations de la bédouinité hors du contrôle d'un État et de la sédentarité sous le contrôle d'un État, c'est le fait qu'il insiste beaucoup sur les constructions, sur le bâtiment, sur l'architecture, et que ce qui a ébloui, dans une certaine mesure, et ce qui a paru en même temps assez dérisoire dans l'attitude des Francs, et en particulier de Saint-Louis en Orient, au milieu du XIIIe siècle, c'est l'extraordinaire activité de construction de ces Francs. Ce qui prouve bien que ce ne sont pas des bédouins, hein, bien sûr, mais des sédentaires. Et il y a chez les musulmans, à l'égard d'un roi comme Saint-Louis, qui reconstruit une large part, et qui fortifie en particulier une large part de la côte syro-palestinienne, parce que précisément la pression musulmane s'y exerce déjà très fort, il y a quelque chose de très contradictoire, c'est-à-dire un homme qui a à sa disposition des artisans si habiles, des artistes si remarquables, pourquoi vient-il à des milliers de kilomètres de chez lui? Que vient-il chercher à des milliers de kilomètres de chez lui? Alors que le schéma ordinaire, c'est un roi qui est au centre de son royaume, de son empire, et qui y demeure. Mais bien sûr. Que vient faire à Tunis pour y mourir Saint-Louis? Voilà, lui qui a un royaume si riche. 1270. Hein, 1270. Lui dont le royaume, les musulmans ne le savent pas exactement, mais ils le devinent, hein, un roi qui est capable de mobiliser une telle armée, une telle flotte, si richement parée, ce roi doit être un très grand roi. Mais les très grands rois demeurent immobiles au centre de leur royaume. Ils font construire de beaux palais, de magnifiques jardins. Ils écoutent l'eau courir sur les prairies artificielles, bien sûr, qu'ils ont fait bâtir. Et que vient-il donc faire là? Il se comporte comme un aventurier, alors qu'il ne l'est pas, visiblement. Incompréhension absolue. Incompréhension absolue, absolument. C'est un de ses geôliers, puisque Saint-Louis sera capturé après la bataille de la Mansoura en 1250. Défaite. La défaite de la Mansoura, en effet, de l'armée franque de l'armée française, on peut le dire à ce moment-là, à la Mansoura, près du Caire, en 1250. Donc, il est capturé et il va rester quelques mois, à vrai dire, en captivité. On paye une rançon très, très lourde, d'ailleurs, pour sa libération. Et l'un de ses geôliers, c'est ce que rapporte bien plus tard un chroniqueur, lui demande ce qu'il est venu faire dans un pays plein de musulmans et donc d'ennemis, lui qui a l'air d'être un homme tout à fait sensé et un grand roi et un homme très intelligent, lui dit son geôlier. Et le roi ne répond pas. Il rit, dit le chroniqueur arabe Ibn al-Furat. Saint-Louis rit, tout simplement. Et l'autre ne comprend pas. L'autre ne comprend pas. Il est revenu en plus 20 ans plus tard. Et il revient 20 ans plus tard à Tunis, cette fois-ci, et il y meurt, bien sûr, au tout début de l'expédition de la croisade de Tunis en 1270. Et son corps sera ramené, bien sûr, en France. Et son frère, Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui prend la tête de l'expédition et qui l'abandonne immédiatement. C'est-à-dire que ce qui est assez caractéristique dans l'époque de Saint-Louis, dans la croisade de l'époque de Saint-Louis, c'est que ça n'est plus que l'effort presque mystique d'un homme et d'un roi mystique, pour lequel le respect est immense, hein, dans tout le royaume, mais que le projet politique de la croisade est mort, ou à peu près mort. Quelle est la part du facteur démographique des deux côtés? La démographie de l'Europe triple entre l'an 1000 et l'an 1300, ce qui est considérable, hein. Oui, je crois qu'on peut s'avancer jusqu'à dire qu'elle triple. Du côté islamique, le mouvement n'est pas le même. Hein. Il y a une stagnation profonde, hein, de la démographie. Et du côté mongol? Et du côté turco-mongol, ce sont des masses très faibles. Hein, au total, ce sont des masses bédouines, hein, réellement nomades, hein, dans ce cas-là. Pas seulement bédouines, c'est-à-dire qui échappent au contrôle d'un État, mais réellement nomades. Bédouines, il faut comprendre qu'on ne désigne pas les bédouins en tant que tels, mais c'est une formule qui est élargie de façon absolument symbolique. Absolument, dans la théorie d'Ibn Khaldoun. Par exemple, les Kabyles algériens, qui sont des agriculteurs, fondamentalement, hein, dans leur montagne, sont pour Ibn Khaldoun des bédouins, c'est-à-dire qu'ils ne vivent sous l'autorité d'aucun État, ils ne payent pas l'impôt. Donc c'est la définition du bédouin. Donc indiscutablement, l'avantage démographique est à l'Occident, mais je crois que c'est en partie cet avantage démographique qui explique l'échec des croisades. Qu'est-ce que l'Occident, qui a récupéré l'essentiel de la maîtrise de la Méditerranée, qui a récupéré la science grecque avec la reconquête de l'Espagne et de la Sicile, qu'est-ce qu'il a encore à prendre ou à apprendre du monde islamique ? Presque rien. Et je crois que c'est à cela que tient l'arrêt ou l'échec, comme on voudra, des croisades. En ce sens, ceux qui interrogeaient Saint-Louis n'avaient pas tort. Qu'est-ce que tu viens faire là alors que tout est déjà en Occident ? Même si la Grèce est reparue en Occident par le détour de l'islam, oui. C'est chose faite déjà ailleurs. C'est chose faite. À la fin du XIIIe siècle, au moment où Saint-Louis meurt, en 1270, l'essentiel des textes grecs qu'on connaît encore aujourd'hui hein, est traduit soit directement du grec, puisqu'on a occupé, après la croisade de Constantinople de 1204, une large part des terres de langue grecque, la Grèce en particulier, ou bien ça a été traduit depuis l'arabe, hein, dès le XIIe siècle, en Espagne et en Sicile. Aristote, Averroès, Aristote, Averroès, voilà. Et c'est, absolument. C'est le schéma. C'est le schéma. On traduit Averroès pour retrouver Aristote, même si à travers cet Aristote-là, qui est profondément islamisé, se posent tous les problèmes de la conciliation, évidemment, d'un monothéisme, qu'il soit chrétien ou qu'il soit musulman, avec une pensée grecque qui ignore totalement l'idée de création du monde, l'idée d'un dieu créateur, etc. En somme, Gabriel Martinez-Gros, après ces deux siècles essentiels que nous venons de considérer, vu de l'islam, cette fois, par rapport à nos habitudes ordinaires, regard d'Occident, cette période a bouleversé en profondeur la géographie de l'Ancien Monde. Et oui. J'ai le goût de vous demander ce qu'il en reste aujourd'hui, à la fois dans les frontières et dans les mentalités de cette région du monde. Il en reste beaucoup, bien entendu, en particulier dans certains secteurs politiques du monde islamique. Alors, disons peut-être d'abord que les conséquences directes des invasions mongoles, plus que des croisades, disons-le, c'est la désertification donc du vieux centre du monde islamique. Chute démographique énorme. Le report des centres de l'islam étrangement de part et d'autre de ce désert central, c'est-à-dire soit en Égypte ou en Turquie à l'ouest, soit en Inde à l'est. Et c'est aussi la coupure en deux confirmée, au moins confirmée du monde islamique, c'est-à-dire à l'ouest, depuis la Syrie jusqu'au Maroc, l'arabe continue d'être la langue de l'administration et de la culture. À l'est, c'est-à-dire entre l'Irak et l'Inde, jusqu'au Bengale, hein, c'est-à-dire à l'est de l'Inde, c'est le persan qui prend désormais l'avantage. Pour le reste, il faut sauter au 19e et au 20e siècle, alors. Hein. Sauter. Sautons. C'est évidemment l'utilisation du mot croisé en rapport direct avec, bien sûr, la mainmise de l'Occident sur le monde musulman, la colonisation ou l'impérialisme occidental. Et c'est seulement avec les frères musulmans, en fait, c'est-à-dire à partir de 1930, hein, que le mot croisé devient populaire, hein, qu'on le traduit, hein, bien sûr, qu'on cesse de parler de francs, comme le font les chroniqueurs du Moyen-Âge, pour parler de croisés, et que, peu à peu, le mot croisé s'étend dans le vocabulaire des frères musulmans, et aussi dans le vocabulaire d'un certain nombre de mouvements tiers-mondistes, y compris des baassistes ou des nassériens. Et Nasser, absolument, en Égypte. S'étend à l'ensemble des entreprises occidentales. C'est-à-dire que les croisades deviennent, pour ce nationalisme arabe ou pour ce nationalisme religieux que représentent en quelque sorte les frères musulmans, les croisades deviennent l'événement le plus important de l'histoire de l'islam, tout simplement. Et c'est tout nouveau. Et c'est tout nouveau, en fait, ça date de moins d'un siècle. C'est tout nouveau et c'est en relatif déclin. Un déclin, vous voulez dire maintenant ? Oui. Oui, oui, ceux qui soutiennent ou qui continuent de soutenir cette vision, les Nassériens et les Baassistes ayant pratiquement disparu, hein, on va laisser Bachar el-Assad de côté parce qu'il ne représente pratiquement plus rien, idéologiquement j'entends, hein, ceux qui continuent de représenter cette vision, dans laquelle l'Occident est l'ennemi par excellence et les croisades, l'événement le plus important de l'histoire malheureuse du monde musulman à cause des croisades, ce sont les frères musulmans et c'est aujourd'hui Erdogan. Voilà, c'est presque les entre guillemets modérés, ils ne le sont pas tant que ça, hein, du monde islamique, mais ceux qu'on a malheureusement trop souvent tendance à considérer comme modérés. Les plus éloignés, parce que ce sont ceux qui sont en train de reconquérir des références et donc des conflits proprement islamiques, ce sont les salafistes, y compris les djihadistes, qui eux ressuscitent en même temps que le vocabulaire propre au monde musulman, les conflits propres au monde musulman, c'est-à-dire en particulier le conflit entre chiites et sunnites. Hein. Et donc vous avez deux islamismes qui sont assez différents. Un islamisme pour qui fondamentalement l'ennemi est l'ennemi extérieur, c'est l'Occident, hein, et les croisades en sont la manifestation première. Et un islamisme qui est beaucoup plus intéressé à l'approfondissement des sources propres de l'histoire de l'islam, et qui retrouve par là même les conflits propres de l'histoire de l'islam, et donc en particulier le conflit entre sunnites et chiites. Donc il y a eu, à un moment donné, voici quelques décennies, une sorte de connivence entre un regard européocentré voilà. et le regard de ces combattants-là. Tout à fait. Et hein, maintenant, tout à fait. Cela est en train de diminuer à vos yeux. Oui, probablement, étrangement. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez tout à fait raison, le regard tiers-mondiste des Nassériens ou des Baassistes rejoignait la centralité que l'Occident s'attribuait tout naturellement dans l'histoire. Eux aussi attribuent à l'Occident un rôle central, même s'il est maléfique, bien entendu, dans cette histoire. Alors qu'aujourd'hui, probablement, ce rôle de l'Occident est... Ce rôle central de l'Occident est dénié par une bonne part des nouveaux courants de l'islamisme. Eh bien, merci, grand merci Gabriel Martinez-Gros de nous avoir permis de considérer ces choses sur la longue durée. Votre livre s'appelle « De l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols, 11e-13e siècle », aux éditions Passé Composé. C'est un livre qui vient de sortir des presses tout récemment. Je voudrais rendre hommage à un livre important qui est celui d'Alphonse Dupron. On est là du côté occidental. Bien sûr, le mythe de croisade, grand personnage dans l'historiographie. 4 volumes publiés dans la Bibliothèque des histoires de Pierre Nora. Quelle est la place de cet historien majeur dans l'historiographie que nous avons considérée ce matin ? C'est un de ceux, c'est peut-être celui qui a fait des croisades un phénomène religieux, un grand phénomène de l'expression du sentiment religieux occidental, tandis que, étrangement, au XIXe siècle, on considère les croisades sous leurs aspects, sous leurs conséquences, sous leurs gains proprement politiques et territoriaux. Hein. Ce qu'on voit au XIXe siècle dans les croisades, c'est la construction de la Méditerranée. Donc d'un espace économique en particulier. C'est-à-dire moins un mouvement à proprement parler religieux qu'on ne le croyait antérieurement, qu'au fond une tradition de restitution de l'Empire romain par le truchement des papes. Tout à fait, et des cités italiennes. Hein, les cités italiennes qui sont souvent considérées au XIXe siècle comme les grandes bénéficiaires des croisades. Je voudrais aussi citer le livre d'Amin Maalouf, romancier, écrivain, essayiste libanais majeur, qui en 1983 avait publié un essai qui s'appelait « Les croisades vues par les Arabes » chez Jean-Claude Lattès. C'est une source également intéressante. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous éloignerons un peu géographiquement puisque nous parlerons de l'Éthiopie. Elle est déchirée actuellement de façon dramatique. Donc c'est ce que nous allons avoir à replacer dans la longue durée historique. Je recevrai pour en parler Bertrand Hirsch. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine à un thème que voici, histoire de route. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée aujourd'hui par Annabelle Brouard, avec à la prise de son Yann Fressy, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.